Oui, alors vous savez que j'interviens assez peu sur l'antenne parce que je considère qu'il faut laisser les gens faire leur travail, quitte à corriger le tir quand il y a des carences, ce que je fais aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis en quelque sorte le super médiateur de France Inter, c'est-à-dire que j'interviens sur des questions, des sujets que ne peut pas traiter le médiateur, c'est-à-dire le médiateur lui-même qui pose énormément de problèmes et également d'autres sujets négligés. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de ça. Le 7-9. Sur France Inter. Et oui, c'est l'indicatif qui annonce tous les matins la chronique de Bernard Guetta. Alors qu'est-ce que c'est que ce jingle? D'où sort-il? Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est vrai qu'on comprend jamais rien. Eh bien, on va le décortiquer ensemble. On commence par un klaxon. Pourquoi un klaxon, me direz-vous? Eh bien parce que quand Bernard Guetta arrive, pim, pim, poussez-vous Vla Guetta, dégagez le passage, il faut ouvrir la route en quelque sorte, une route qui est Guetta déjà bien encombrée en à cette heure-là, hein. J'espère bien. Donc il faut dégager la route. Au klaxon, on ajoute « Listen anywhere ».« Listen anywhere », écoutez partout, n'importe où. Puis on juxtapose « Mother Flanawin ». C'est de l'arabe cette fois-ci, c'est une journaliste qui dit « Et maintenant, les titres de l'actu, les grands titres ». On continue avec du turc. « Photograph Burada ». Photograph Burada, la photo est là, semble dire la voix qui est peut-être celle d'Erdogan. Pour enrichir l'ambiance, on ajoute l'appel à la prière d'un muezzin. J'atteste que Mohamed, etc. C'est de l'arabe littéraire, donc ça peut provenir de plusieurs pays. Et on termine par le passage qui intrigue le plus les auditeurs depuis des années, le fameux... Mais qu'est-ce que c'est que ce son? Pour certains, ça évoque une grenouille, pour d'autres, un corbeau. Eh bien, non, c'est du tchèque. C'est tout simplement la ville de Prague en tchèque. Praha. Ce mot est en fait extrait d'une phrase, écoutez. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. Alors, Radio Free Europe, Radio Liberty, c'est un média américain né pendant la guerre froide qui est diffusé dans 25 langues et basé à Prague, justement. On a donc pour l'instant... Listen anywhere. Praha. Reste à ajouter une nappe musicale et la voix de Marie-Pierre Planchon pour obtenir le jingle définitif. Le 7-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Alors la nouvelle présidente de Radio France, Sybille, la petite Sybille, que j'ai eue hier soir au téléphone, souhaite recentrer la chronique géopolitique de Bernard Guetta sur la France, lui donner une dimension plus franco-européenne, ce qui correspond aux souhaits des auditeurs. Donc le jingle a été légèrement remanié et à partir de lundi, voilà ce qui lancera Bernard Guetta. Le 7-9. Arrivederci. Sur France Inter. C'est tout, bon week-end. Magnifique week-end, merci beaucoup, on a appris des choses. Hein. Le fameux Waha, dont on s'est toujours demandé si c'était pas Waha en arabe. Mais voilà, merci donc Chris pour la note de bas de page.